Yeah. De casse en deux, je me passe sur l'instru. Repox rins, zivis, s'étaler mon vécu. Ton rap PHS au PQ, c'est ce truc le talus. J'en veux et j'en reveux. J'ai la dalle dans un moment. Dans le RAP, c'est le carnaval. Les jeunes de nos jurons la dalle. Ils savent que fait hackard. Ça fait le voyou et ça tape la cavale. De nos jours, le tête à tête n'est plus respecté. Vraiment, c'est le quartier qui m'a éduqué. Raquette, pickpocket dans le métro. De casse, je mets rimes, j'mets le turbo. Une dédicace à Sofia, nique l'état. On vient de la France d'en bas, on veut niquer Hela. On veut la réussite sans faire n'importe quoi. J'te range des carages de grime, joue pas le MC qui frime. Fais gaffe à ta plaque, tu risques de te faire baisser. Le mic, c'est mon arme, mes rimes font mal, mon flow fait hagard. C'est ce doc à la prod. Zama, t'es rappeur, Zama, t'es à la mode. J'rappe en naturel, le temps c'est de l'oseille. Marre de se faire intuber par l'état. Marre de voir mes frères menottés, encerclés derrière les barreaux. Te cache, j'oublie pas la 11ème zone des trop. Trop de mecs qui rongent à force, ça me rend fou. Je fais du rap kamikaze pour l'état. On nique un numéro de sécu dans une case. Mon rap est un chien de l'argasse. J'ai fait un freestyle de toi rime en première classe. Trop bec les boulons. Arrête de parler de moi bouffon. Mon rap bascule pour la haute comme le portable. Je fais une transat avec mon son jusqu'à Amsterdam. Te casse pas le crâne, j'ai la dalle gros. Un freestyle et c'est parti gros. Mon rap bascule pour la haute comme le portable. Je fais une transat avec mon son jusqu'à Amsterdam. Te casse pas le crâne, j'ai la dalle gros. Un freestyle et c'est parti gros. C'est ce dog en direct du bitume. On a tellement la dalle qu'on veut viser la lune. Tu casses pas depuis petit, on vit dans la GNT. On t'a tes potis direct au parquet. Les Schmitt ont la dalle, ils veulent nous serrer. Clemson, c'est mon fardeau. La Kabylie, c'est le frérot. Et ouais, gros, encore et toujours l'Algérie, poteau. On a la dalle, on veut de la France d'en bas. On veut niquer le hala, on veut la réussite sans faire n'importe quoi. Viens dans mon bateau si tu veux niquer l'état. Avec nous, lève le troisième doigt. Écris, je veux niquer l'état. Ces chiens nous ont volés. C'est pas pour rien que la plupart de mes frères font des arrachés. Une pensée à mes frères menottés. Certains rappeurs font que se la péter. On vient de Marseille, capitale du cartel. On veut niquer tout, nous on veut de l'oseille. Ce sont, c'est une montée d'adrénaline. On a la gale, on a grandi avec le crime. On arrive sans armes, sans haine, sans violence. Mes rimes vont te mettre en transe. Je qualifierai ton rap de transe. Ce soir nous appartient, ce soir c'est nous qui menons la danse. Mon rap frappe fort comme le fils. Mon flow a les nerfs comme au DI. Comme Genesa, mes rimes réfléchis. Comme cannibale, on a la dalle. Mon rap bascule pour la haute comme le port d'armes. J'ai fait une transat avec mon son jusqu'à Amsterdam. Te casse pas le crâne, j'ai la dalle gros. Un freestyle et c'est parti gros. Mon rap bascule pour la haute comme le port d'armes. J'ai fait une transat avec mon son jusqu'à Amsterdam. Te casse pas le crâne, j'ai la dalle gros. Un freestyle et c'est parti gros.